بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تابع أثارهم اكتفى ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا في الأذكار والأدعية les invocations et les dua qui doit être dit lorsqu'on entend al-azan fa hahuna nuwasil on continue قال المصنف رحمه الله تعالى ما يقول من سمع المؤذن قال إذا تشهد المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا الحديث rapporté par l'imam مسلم رحمه الله تعالى selon سعد ابن أبي الوقاص وفي بعد الرواية قال فإن قال ذلك غفر له ذنبه dans ce hadith authentique rapporté par مسلم voilà un deuxième ذكر qui doit être dit lorsque le مؤذن il accompli الأذان lorsqu'il a terminé الأذان et prononcer les derniers termes de al-azan, c'est-à-dire al-tashahhud, c'est-à-dire al-shahada bi an la ilaha illallah. À ce moment-là, il est légiféré à celui qui entend al-azan de dire après qu'il ait répété chaque terme qu'a dit le mu'adhdhin, de dire à la fin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Il rajoute ensuite raditu billahi rabba. J'agrée Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, wa bi Muhammad al-Rasoula, et que Muhammad, je l'agrée comme messager, wa bi l'islam idina. Quelle est la récompense de cette personne-là? Qala ghufira lahu dhanbuhu, ses péchés seront pardonnés. Et ce qui est voulu par le péché ici, c'est le petit péché. C'est le petit péché. Fa al-a'mal al-saliha, ce sont l'expiation des péchés. Des petits péchés. Kama qala subhanahu wa ta'ala, inna al-hasanat yudhhibna al-sayyi'at. Voilà chaque wala raiba fi, le fait de répéter, le fait de dire ce dhikr après que le mu'adhdhin ait accompli le adhan, ça fait partie des hasanat. Ça fait partie des a'mal as-saliha dont Allah Azza wa Jal a comptabilisé comme étant mukaffarat. Lakin hada c'est bishart. Il y a une condition pour cela afin que ces termes-là, ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammad Rasulullah wa bi l'islam medina, afin que ce soit une expiation des péchés antérieurs, il faut que cette personne-là se soit écartée et qu'il ait demandé le repentir auprès d'Allah Azza wa Jal si jamais il a commis une kabira. Ama celui qui a commis une kabira, un grand péché et qu'il n'a pas tout bil Allah Azza wa Jal, ça ne sera pas une expression pour lui. Ala al-qawl as-sahih, qal subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyatikum. Si vous vous écartez des grands péchés, nous allons alors vous expier les petits péchés. Et dans le hadith al-akhar, al-jumu'a ila al-jumu'a, wa ramadan ila ramadan, wa na'am wa salawat al-khams, kaffaratun lima baynahunna idha dutunibat al-kaba'ir. La période qui est entre deux ramadan, qui est entre chaque prière, qui est entre chaque jumu'a, ce sont une expiation des péchés à partir du moment que cette personne-là a s'écarté des grands péchés. Enfin, s'il y a des grands péchés, ce ne sera pas une expiation pour les petits péchés. Certains des ulama comme l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il a dit, on espère quand même pour celui qui aura commis un grand péché et qui n'aura pas tout bil Allah azza wa jal, si jamais il est présenté à effectuer une œuvre dans laquelle, yani, qui est considérée comme une expiation, comme c'est le cas ici, il dit, on espère que Allah azza wa jal va quand même lui alléger la sentence qui était réservée à ce grand péché. Voilà. الله عز وجل فضله واسع ورحمته واسع ورحمته واسع كل شيء كما قال سبحانه وتعالى فهذا ممكن لكن si on regarde يعني بالنظر الشرعي c'est-à-dire si on regarde par rapport au texte, les textes ils sont clairs, c'est à partir du moment où on trouvera un grand péché, il sera un rempart pour l'expiation des petits péchés. فقوله صلى الله وسلم عليه فإن قال ذلك غفر له ذنبه أولا المراد بذنبه c'est le petit péché. Parce que les grands péchés, ils demandent une tawbah. Et la condition pour que ce soit l'expiation, il faut qu'ils s'écartent des grands péchés. Et s'il l'a commis, il faut qu'il trouve il Allah ya Azzawajal. Donc ça nous montre le danger des grands péchés. Ils sont un rempart et ils interdisent les œuvres salihah d'être une expression pour nos petits péchés. Fa'idan, dans l'adhan, il y a beaucoup de fadl, il y a beaucoup de mérite. Celui qui répète les termes de l'adhan, tout ce qu'a dit le mu'adhin, قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال ذلك من قلبه دخل الجنة. Il rentrera au paradis s'il a répété les termes de l'adhan avec sincérité. Si en plus il ajoute après cela أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. Dans l'adhan il y a d'énormes mérites. نعم. هنا قال غفر له ذنبه. On a pu voir dans les dourous précédents que al-maghfira c'est quoi? C'est al-wiqayatu min sharri dhunub, comme قال l'imam Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala. C'est que Allah azza wa jall te préserve du mal et des péchés. On a pu voir que le mal des péchés c'est que soit Allah azza wa jall te châtie la vie dans la vie d'ici-bas et dans au-delà, ou plutôt châtie la personne qui aura commis le péché et qui n'aura pas fait tawba. Ou soit Allah azza wa jall il le dévoile. Car dans les cas ceci, c'est une catégorie du châtiment. Ça fait partie du mal des péchés. L'insan, il peut commettre des péchés, lakin Allah Azza wa Jal yastur. Comme c'est venu dans le hadith, de ceux qui seront jugés dans hisab yasiran al-ard, comme qu'a dit subhanahu wa ta'ala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa ces personnes-là, Allah Azza wa Jal va les, yam al-qiyama, il va les rapprocher de lui. Et ensuite il va dire, vous avez commis tel et tel péché, tel et tel péché, va évoquer les péchés qu'il a commis dans la vie d'ici-bas, jusqu'au point où cette personne-là va penser que il va périr et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier. Et ensuite Allah il dit قَدْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا, je ne t'ai pas dévoilé dans la vie d'ici-bas, وَأَنَا أَخْفَرَ لَكَ الْيَوْمَ. Ça nous montre le mal des péchés, c'est qu'il peut être dévoilé dans la vie d'ici-bas, c'est une fadiha d'être dévoilé d'un péché qu'il fait. Ou bien Allah Azza wa Jal le châtie. Enfin, lorsqu'il est dit refaire lahu dhanbuhu, ou lorsqu'on demande al-maghfira, c'est qu'on demande à Allah Azza wa Jal qui nous préserve du mal, du péché qui sont soit le fait d'être dévoilé aux yeux de tout le monde, ou bien d'être châtié dans la vie ci-bas, ou bien dans au-delà. Dhanbuhu al-dhanb, qal al-ulama, le péché a été appelé dhanb, yanna dhanb, ça vient du verbe dhanaba qui veut dire akhiratu shay. Al-dhanb, yanni celui qu'il commet, ça va le retarder. Comme dit le hadith, man batta bihi amaluhu lam tusra bihi amaluhu ou lam tusra bihi nasabuhu, man batta bihi amaluhu lam tusra bihi nasabuhu. Celui qui va pas aller de l'avant fi ta'atillahi azza wa jall, ses liens de parenté ne seront pas profitables pour lui. Fa al ma'asi tu'akhkhiru sahibuhu, kadhalika al hadith كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Celui qui m'a obéi rentrera au paradis et celui qui m'a désobéi فقد أبى. إلا نعم. Il s'est refusé lui-même l'accès. Il s'est refusé lui-même l'accès. فالذنوب تؤخر عن السير إلى صراط المستقيم. Ça retarde l'avancée vers جنة النعيم. Verdienne al-Na'im, lianna adhanubiya thakila. Adhanubiya thakila, comme a dit subhanahu wa ta'ala. Alam nasharah laka sadarak, wa wada'na anka wizarak. Al-wizruna, c'est le péché. Thumma wasafahu, faqala alladhi anqada dhaharak. Ce péché-là qui est une poids, une lourdeur sur ton dos. C'est le péché, harna, il a été qualifié comme étant une chose qui est lourde. Le péché est lourd sur le dos. Anqada dhaharak, qui a pesé sur ton dos. Enfin, ça c'est pour nous dire que celui qui commet un péché, il s'est mis une charge sur son dos. Donc ça va le ralentir dans son avancée vers le paradis. Et ça peut même le nuire et le mettre au sol. Ça peut même le nuire et le mettre au sol et au point où il ne se relèvera pas. Il va mettre sa propre personne en perdition au point où il ne pourra pas se lever tellement les charges et les fardeaux qui seront sur son dos seront tellement lourds qu'il ne pourra même plus les supporter et les porter et tombera. Et ne pourra même pas continuer son avancée vers le Jannah. Enfin, le péché l'a été appelé dhanb, li'annahu yu'akhir. Li'annahu il retarde. Alladhi anqada dhaharak. Les ulama, ils ont évoqué concernant le hadith ashhadu an la ilaha illallah, lorsqu'on entend le muadhin finir le adhan et qu'on dit ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bi islam dina. Ils ont dit, quand est-ce qu'on doit dire cela? Est-ce que c'est lorsque le muadhin commence à dire ashhadu an la ilaha illallah, ou bien c'est lorsqu'il a fini l'adhan? Le hadith, il est venu dans deux termes. Dans un terme, il est venu dans une riwaya, man qala hina yasma' al-mu'adhdhin yaqul ashhadu an la ilaha illallah. Qala al-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, fa dhahiruhu annahu yaqul hina yasma' al-mu'adhdhin. Cette version-là, yani, d'apparence, elle évoque qu'on doit dire kadhalika ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lorsque le mu'adhdhin il entame le fait de dire la shahada. C'est-à-dire, on n'attend pas qu'il finisse. C'est ce qui apparaît dans le hadith. Et dans une autre riwaya, qala man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin wa ana ashhadu. Et dans une autre version, il est dit, celui qui dira lorsqu'il entendra le mu'adhdhin wa ana ashhadu, et moi j'atteste. Qala hauna Sheikh al-Uthaymeen, hadha yaqtadi an yakuna qalaha idha qala al-mu'adhdhin. Parce que là, il a dit wa ana, et moi aussi j'atteste. Donc là, yani, ça laisse apparaître que il attend que le muadhin finisse, et ensuite il dit wa ana, parce qu'il dit c'est pas un ma'koul, c'est pas possible de qu'une personne dise et moi aussi j'atteste, alors que le muadhin n'a pas fini d'attester. C'est-à-dire que si jamais le muadhin commence à dire ashhadu an la, et lui il commence aussi, il répète en même temps que lui, le muadhin il n'a pas fini, afin que tu dises moi aussi j'atteste de ce qu'il a attesté, il n'a pas fini d'attester. Enfin, la deuxième version, elle est plus claire. Wa ana ashhadu, ceci laisse entendre qu'il faut laisser le muadhin finir le adhan, ensuite à nous de dire wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ila akhirih. Naam, ça c'est l'avis qui paraît le plus juste. Kama qala Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, qala wa ana ashhadu, qala ma'tufun ala shahadati sabiqa. Parce que dit moi aussi j'atteste, cette attestation là elle est liée à une shahada qui est, naam, sabr al awlad, il atteste d'une attestation qui est liée à celle qui l'a précédée. قال وحين إذن يكون قوله هذا بعد قولي المؤذن. Donc là, selon cette interprétation-là, la personne doit le répéter al-adhan, plutôt le dhikr, après que le mu'adhin il a fini al-adhan. قال وهذا هو الأقرب. Et cette interprétation-là, c'est celle qui paraît la plus juste. قال لأن إذا قال الشخص رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا يقتضي أن يكون هذا الرضا بعد قوله. Parce que lorsqu'il dit j'agrée Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, et Muhammad yani comme prophète, et l'islam comme religion, ceci implique que cet agrément-là, il agrée après avoir entendu le muadhin dire ashhadu an la ilaha illallah. Ça c'est l'avis qui paraît, wallahu a'lam, le plus juste. C'est l'apport de l'imam al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala dans l'explication de Sahih Muslim, le volume 2, la page 111. Raditu billahi rabba, ceci nous montre yani qu'il y a un lien entre al-uluhiyya wa al-rububiyya. Celui qui a agréé Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut que l'agréer comme étant un seigneur. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. C'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, il agréé comme Allah subhanahu wa ta'ala comme seigneur. Car Allah azza wa jalla dit ô vous qui yani croyez en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, adorez-le uniquement. Fa yatalazum bayna tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-rububiyya. Celui qui a une aqida saine dans tawhid al-rububiyya, qui a une conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite les attributs qui s'est attribués parmi ses actions comme al-ihya wa al-imata wa tadbir al-umur, fa il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. Et Allah azza wa jalla dans son kitab, il évoque énormément ce genre de preuve, c'est-à-dire qu'il prend comme preuve la seigneurie afin de les appeler au tawhid al-uluhiyya, parce que baynahuma talazum, celui qu'on adore c'est celui qui est le rab, c'est celui qui biyadihi an-nafu wad-dar, c'est celui qui donne, c'est celui qui naham a le profit et qui peut nuire naham. Qala wa muhammad wa bi muhammad rasulah, ceci yani implique tasdiquhu fi ma akhbar, qu'on doit le rendre véridique dans les hadiths qui sont authentifiés de lui. ونعم أن لا يعبد الله إلا بما شرع. On ne doit pas innover dans la religion. Si jamais on agrée le prophète عليه الصلاة والسلام comme messager, on se doit de l'unifier كذلك dans المتابعه, dans le suivi. شهادة محمد رسول الله كذلك سنتوحيد dans le suivi. شهادة أن لا إله الله سنتوحيد dans l'adoration. ومحمد رسول الله سنتوحيد dans le suivi. فcelui qui dit محمد رسول الله, il ne doit pas revenir lorsqu'on l'appelle à la sunna à dire yani tel et tel madhhab, comme قال الشافعي قال الإمام أحمد قال كذا وقال فلان. À partir du moment que la sunna lui a été transmise et qu'il sait que cette sunna là est authentique, il se doit de l'appliquer. Comme l'on dit, ces imams, il a sabata al hadith fa huwa madhhabi. Si le hadith est authentique, eh ben c'est mon madhhab. C'est mon madhhab, c'est la chose que je dois suivre. C'est celui qui atteste que le prophète alayhi salatu wasalam c'est le messager, il se doit de le suivre dans tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam a légiféré et de ne pas innover dans la religion. Wa bil islam dinan, c'est-à-dire qu'il doit se soumettre à la religion de l'islam dans tous ses ordres et ses interdits. Et kadhalika, il prend l'islam comme mahkama, c'est-à-dire que lorsqu'il doit revenir sur le yani pour juger sur une chose, il revient sur l'islam. Il revient pas sur at-taqalid, il revient pas sur les avis, il revient pas sur le suivi des passions, il revient sur l'islam. Et tahakam ila kitab Allah azza wa jalla. Naham. Qala rahimahullahu ta'ala ba'da dhalika qala thumma yusalli 'ala an-nabi. Après avoir dit raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammad ar-rasula wa bil islam dinan, ba'da dhalika yusalli 'ala an-nabi. قال بعد الفراغ من متابعتي المؤذن. Après qu'il a dit cela, donc أولاً on vient avec la shahada, ensuite on fait la salat على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذا هو الصلاة على النبي. Ça c'est une sigha. Ou alors on dit اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. On a deux manières de prier sur le prophète عليه الصلاة والسلام. نعم. فأبخى وردي رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبإسلام دينا نصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فإن فعل ذلك ثم سأل الوسيلة للنبي حلت له شفاعة. Donc là, le troisième mérite. Premier mérite, celui qui répète les termes de Al-Azan dakhala al-Jannah, s'il le dit sincèrement. Deuxième mérite, s'il dit après raditu billahi rabba, après l'attestation wa bi Muhammad rasul bil islam dina an'am ghufra lahum ma ghufra lahu dhanbuhu, ses péchés antérieurs seront pardonnés, les petits péchés. Thumma idha salla ala an-nabi sallallahu wa sallamuha alayhi, ensuite il demande Allah azza wa jalla qu'il lui rétribue al wasila wal fadila, qala halat lahu shafa'a, Allah azza wa jalla va lui rétribuer al shafa'a yawm al qiyamah. Al-insan, il sait pas comment il va mourir. Al-insan, il ne sait pas comment il va mourir. Enfin, après la mort, pour celui qui aura commis des erreurs et qui n'aura pas fait tawbah, c'est soit Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu, comme qu'a dit subhanahu wa ta'ala wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. À partir du moment qu'il est mort sur tawhid et qu'il est mort sans avoir commis le shirk al-asghar, l'anna shirk al-asghar as-sahih. La parole qui est la plus juste, c'est que celui qui meurt sur le shirk al-asghar, même si cela ne va pas éterniser la personne qui aura fait en enfer, lakin as-sahih, c'est que Allah azza wa jalla ne pardonne pas le shirk al-akbar ou kadhalika al-shirk al-asghar, pour la personne qui sera mort et qui n'aura pas fait le repentir. Amma shirk al-akbar, wa ça c'est ma'ruf. Wa amma shirk al-asghar ala sahih. Qul subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah azza wa jalla ne pardonne pas à celui qui l'aura associé, c'est-à-dire qui meurt sur cela. Et là, c'est am, yani inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Ceux qui ont étudié un peu dans l'arabe, ils verront que an c'est masdariya, c'est-à-dire qu'elle est à la base, yani c'était pas un verbe, lakin c'était un masdar, c'était un nom. Et ce nom-là, il est indéfini. Il est indéfini. Et là, Allah Azza wa Jalla dit, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Donc, ce verbe-là, qui est à la base un nom qui est indéfini, il est dans un contexte où la phrase, elle est négative. Et tout masdar, tout kalima, tout mot, qui est indéterminé, qui est nakira, qui se trouve dans une phrase qui est négative, ça apporte la globalité, la généralité. C'est comme si jamais il était dit Inna Allah la yaghfiru ayy shirk. Inna Allah la yaghfiru ayy shirk. Ça, c'est la parole qui paraît la plus juste. Enfin, celui qui meurt, le jour où il meurt, sur les péchés autres que le shirk, asrar ou bi'akbar, il a plusieurs options. Soit Allah subhanahu wa ta'ala lui fait grâce et le pardonne. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc, si le péché il est en dehors du shirk, il se peut qu'Allah azawajal le pardonne, ou bien il ne le pardonne pas. S'il ne le pardonne pas, cette personne-là doit être purifiée de ce péché-là. Et si Allah azawajal ne l'a pas pardonné auparavant, il faut que cette personne-là passe par l'enfer. Lakin, il y a Shafara qui peut intercéder pour lui. Shafara peut intercéder pour lui. C'est-à-dire pour les personnes qui méritaient d'entrer en enfer, afin qu'ils ne rentrent pas en enfer. Shafara tu liman, حُقَّ لَهُ النَّارِ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا. La shafa'a pour celui qui aura, pour celui dont Allah Azza wa Jal a jugé qu'il devra rentrer en enfer afin d'être purifié, parce que le jannah c'est dar al-tayyibin, la yadkhuluha illa al-tayyibun. La personne qui rentre en jannah, il faut qu'il soit pur, parce que c'est la dar, il y en a de la pureté. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala taybtum fadkhuluha khalidin. Vous êtes purifié, entrez dans le paradis éternellement. Enfin, il faut qu'il soit purifié de ce péché-là. S'il lui a pas pardonné, il manque l'enfer. Lakin, il se peut qu'Allah Azzawajal accepte qu'on intercède pour cette personne-là afin qu'il ne rentre pas en enfer. Enfin, ash-shafa'a li muhimma jiddan. Ash-shafa'a li muhimma jiddan, parce qu'on ne sait pas comment on va mourir. Et on ne sait pas si Allah Azzawajal, il va nous pardonner ces péchés qui sont en dehors du shirk. Si jamais on meurt sur cela, on n'a pas fait tawbah. Enfin, il faut mettre tous les atouts, toutes les options qui vont nous permettre de pouvoir nous sauver de l'enfer. Et parmi cela, le fait de répéter Al-Adhan, ensuite de prier sur le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et de demander à Allah azza wa jalla pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait cela, il aura la shafa'a. Il aura, incha'Allah, une option qui pourra, bidillahi azza wa jalla, l'épargner du feu de l'enfer. L'épargner du feu de l'enfer, ou bien l'élever en degré et l'akhiri parmi anwa'a shafa'a. Fa al-shafa'a, elle est muhima jidda. Donc, on se doit de prendre les asbab pour pouvoir acquérir la shafa'a yawm al-qiyamah. Et parmi cela, le fait de répéter ces termes qui sont simples. Ces termes qui sont simples. Qala al-Sheikh, qala wa qad bawwaba al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi sharh Muslim li tilka al-ahadith. L'Imam al-Bukhari, l'Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, dans l'explication de Sahih al-Muslim. Et il faut savoir que le Sahih al-Muslim, les chapitres qui sont évoqués dans Sahih Muslim, c'est l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala qui les a mis. قال باب قولي مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ثم يسأل له الوسيلة. Donc là il nous montre qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu. On doit répéter ce qu'a dit le muadhin. Ensuite, on dit ash-shahada wa raditu billahi rabba. Ensuite, on prie sur le prophète. Ensuite, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-wasila. Donc dans le tartib, c'est ça. On répète ce qu'a dit le muadhin. Ensuite, natashahhad, et on dit raditu billahi rabba wa bi Muhammad rasula wa bil islam dina, et ensuite nusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alayhi, thumma nas'al Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-wasila wal fadila. Naam. Et là il va nous évoquer rahimahullah ta'ala comment on demande à Allah azza wa jalla pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam al-wasila, c'est-à-dire l'intermédiaire. Il va l'évoquer inshallah. Al-fadila, c'est-à-dire le fadl. Qala Allahumma yaqul Allahumma rabbi أو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. الحديث رواه بقى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال ومن قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال العلماء حلت بمعنى وجبت ووقعت كما في الفتح فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. حلت له شفاعة يعني الله عز وجل بل يوتوريزي اي وجبت له. ça nous montre le mérite qu'il y a dans le fait de demander au prophète, de demander à Allah عز وجل qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce grand mérite là qui est al-wasila wa al-fadila. Car par cela tu auras assurément al-shafa'a yawm al-qiyama. Comme قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. اللهم يا الله رب هذه الدعوة التامة. Le seigneur de cette da'wa at-tamma, da'wa at-tamma, c'est din Allah عز وجل. كما قال الإمام نعم العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير صحيح البخاري le volume 2, la page 634. فقال الدعوة التامة هي المبنية على تعظيم لله عز وجل. الدعوة التامة, l'appel parfait, c'est celle qui est basée sur le ta'zim, le fait d'honorer, le fait d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de prononcer shahada tawhid, le fait de prononcer la shahada anna Muhammad Rasulullah, le fait de s'acquitter de la prière, le fait de répondre lorsqu'on nous appelle à la réussite. قال هذا هو التمام يعني في الدعوة. هذا هو التمام في الدعوة. قال وصلاة القائمة أي إلى صلاة qu'on va accomplir. كما قال سبحانه وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. Nous prierons pour Allah عز وجل. قال وقوله يعني toujours l'explication du Cheikh Al-Faymin. قال قوله الوصيل والفضيلة قال فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوصيلة بأنها أعلى درجة في الجنة. Le prophète a lui-même expliqué qu'est-ce que la wasila. Il a dit c'est le plus grand degré dans le paradis. Lorsqu'on demande à Allah azawajal al-wasila pour le prophète a.s.w. et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève dans le degré le plus haut au paradis. Qu'il ait la place la plus haute dans le paradis. Et ça c'est le prophète a.s.w. qui l'a lui-même expliqué. Et ensuite il a dit وَأَنَّهَا لَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَعَبَدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. Et ce haut degré est réservé à un serviteur parmi les serviteurs d'Allah عَزَ وَلَيْلَ. ثُمَّ قَالَ وَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. Et le prophète a.s. a dit j'espère que je serai cette personne-là. هذا من باب التواضع. Il a dit cela par modestie. قَالَ وَالْفَضِيلَ. Qu'est-ce que الفضيلَ? قال الشيخ العثيمين قال عطف على الوسيلة donc ça a été lié à الوسيلة. قال الوسيلة donc c'est pour le مكان, c'est pour le haut degré dans le paradis. قال والفضيلة باعتبار الحال أفاك الله عز وجل l'élève en degré. أفاك الله سبحانه وتعالى l'élève en degré. L'élève en degré au niveau de la place, l'emplacement qu'il aura dans le paradis. Et كذلك qu'il l'élève en degré au niveau de la récompense, au niveau du أجر, au niveau du statut. Qu'il ait un statut qui est immense. Al-Nabi, malgré que ce soit le meilleur des hommes, ses œuvres ne sont pas la cause de son entrée au Jannah. La kin par les œuvres qu'il a accomplies, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait miséricorde. Comme dit le hadith. La yadkhul ahadakum al-Jannah bi'amalihi. Personne ne rentrera au paradis par ses œuvres. Qala wa la anta ya Rasulullah, qala wa la ana. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli. Excepté si Allah azza wa jal me fasse miséricorde. Enfin, nos œuvres as-salihah, elles nous permettent d'acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa faveur et sa rahma. Et c'est par sa faveur et sa rahma qui nous fait rentrer au Jannah. Fa, lidhalika, lorsqu'on demande à Allah azza wa jal al-fadila, c'est pour qu'Allah azza wa jal lui donne un statut qui est immense. Qui lui donne le plus grand des degrés au paradis et qui lui donne le statut le plus immense, le plus haut auprès d'Allah. سبحانه وتعالى هذا هو الفضيلة وكذلك الوصيلة نعم فcelui qui demande cela pour le prophète عليه الصلاة والسلام الله عز وجل va lui donner الشفاعة donc à nous de ne pas être insouciant الشيطان il est حريص lorsque ces œuvres là sont simples et la récompense elle est énorme trois énormes récompenses دخول الجنة غفران الذنوب que les péchés soient pardonnés et que Shaitan il est haris, il va s'évertuer à te divertir, à être ailleurs et ne pas suivre l'adhan, ne pas répéter le dhikr qui est légiféré pour cela. Même si c'est mustahab, tu n'as pas commis de péché, lakin tu as délaissé des choses qui pourront te sauver yam al-qiyama. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Et ne méprisez rien du ma'ruf, du din Allah azza wa jal. Le fait que tu répètes ces choses-là, il se peut que c'est la hasana qui va prendre le dessus sur le mizan des sayyat. Le mizan, il ne sait pas comment il va mourir. Il se peut que cette hasana-là, elle soit celle qui va faire que le mizan des hasana, il soit plus lourd que le mizan des sayyat. Fait dans le cas, la nahkaran, min al-ma'ruf jia. Tout ce qui mène à din, c'est azim jiddan. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Il n'y a rien qui est léger dans la religion. Donc il faut tout prendre et il faut faire les efforts pour ne rien laisser. Pour yani, prendre les asbab, qui vont nous permettre de nous sauver du feu de l'enfer. On ne sait pas comment on va mourir. La siyama, à cette époque-là, où les al-ma'asi, les kathorat, وتعاون يعني على البر والتقوى قل يا peu de personnes qui s'entraident dans le bien et qui s'entraident dans la piété. Donc yani ya tout est mis en place yani pour que la personne y dévie. Donc si jamais on fait pas les efforts, si on fait pas les efforts de prendre ces choses qui sont simples, comment faire pour prendre les choses qui sont un peu plus compliquées, qui demandent beaucoup plus d'efforts? On va conclure avec une nasiha jayyida de l'imam Muhammad al-Man al-Jami rahimahullah ta'ala, et ça revient un peu à ce qu'on vient de dire. Lakin, c'est une nasiha qui est jayyida jiddan dans l'explication de Sharh la kalimat al-tawhid la ilaha illallah. Il y a une explication de shurut la ilaha illallah à l'imam Muhammad al-Man al-Jami rahimahullah. فقال أسباب الشفاعة après qu'il a évoqué la condition qui était l'ikhlas, parce que كذلك parmi les plus grandes conditions pour avoir الشفاعة يوم القيامة الإخلاص, comme il est venu dans le hadith Abu Huraira, قال من أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة يا رسول الله, quelles sont les personnes qui vont plus y en profiter de ta شفاعة يوم القيامة. فقال من قال لا إله إلا الله مخلصا به قلبه, c'est ceux qui vont dire la ilaha illallah et le mettre en application, et ils l'auront dit avec un cœur qui est sincère. Ensuite, il évoque, après avoir évoqué cette condition-là qui était l'ikhlas, et le rétribut qu'il y a à travers cela qui est shafa'a. Les sebab, les causes pour avoir et acquérir la shafa'a sont multiples. Et certains de ces asbab, ils sont tellement simples. قالوا ميسور على من يسره الله عليه, هذا هو, c'est simple, il y en a pour qui, pour la personne dont Allah عز وجل a facilité. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين, c'est simple de répéter ce que dit المؤذن, لكن ستوفيق من الله عز وجل, ça nous montre la puissance d'Allah سبحانه وتعالى, ولا حول ولا قوة إلا بالله, même la chose qui est la plus simple, c'est-à-dire d'être attentif et de répéter, il se peut que tu ne sois pas موفق. Et ça arrive à énormément de personnes, lorsque l'adhan il est dit, il est en train de lire un livre, il est en train de regarder son portable, il est en train de discuter avec une personne, appeler quelqu'un au téléphone. Et l'akhiré, il est étourdi. قال ولكن ما أكثر غفلتنا عن هذا السبب العظيم. Il dit, لكن, qu'est-ce que nous sommes insouciants face à ce sabab qui est azim, qui est le fait de répéter l'adhan. قال تسمع المؤذن وتتابعه. Tu entends le mu'adhin et tu répètes ce qu'il dit. وتقول ما يقول. ثم تصلي. On a pu voir. Après que il ait répété ce qu'il a dit, il dit à l'après, il y a un ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammad rasulullah raditu billahi rabba wa bi Muhammad rasulullah bil islam dina. Ensuite tu salles ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala thumma tusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tatlub li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al wasila wal fadila. Donc tu pries sur le prophète alayhi salatu wa sallam, et ensuite tu demandes à Allah azza wa jalla qu'il lui rétribue al wasila, le makan, le degré qui est énorme et le statut qui est énorme. قال من فعل ذلك وجبت له شفاعته. Et avant cela, دخل الجنة وغفر له ذنبه. Trois récompenses énormes. Donc tout musulman qui aime Allah Azza wa Jal, qui souhaite le Jannah et qui a peur de l'enfer, il va accourir normalement à cela. قال سهل ميسور, c'est une chose qui est très très simple. قال ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لكن الشيطان il est حريص, il s'évertue à nous étourdir. قال فيأتي ويشغلك وهذا يسألك وهذا يتكلم معك. Il va venir, il va t'étourdir. Et une personne va venir, va te poser une question. Tu penses que là, t'es dans le bien. Là, qu'il y a le bien, il y a une chose qui est mieux. Parce que Al-An, une personne qui te pose une question, même si jamais Al-An, c'est une question qui est religieuse. Il se peut que tu répondes en bien ou en mal. Que tu te trompes. Tandis que là, que lorsque tu répètes Al-Adhan, c'est que du khir. C'est que du khir, c'est sahl. Tandis que lorsque tu parles, c'est soit contre toi, soit c'est pour toi. Donc là, tu es en train de laisser une chose qui est aula. Tu es en train de laisser une chose qui est prioritaire. Une chose dans laquelle il y a salam. Dans laquelle, inshallah, tu es sûr d'être épargné du mal de shaitan. Amma, lorsque tu parles, c'est soit contre toi, soit c'est pour toi. Lorsque tu réponds à une question, c'est soit contre toi, soit c'est pour toi. Donc là, la priorité, elle est dans quoi? Dans salam, dans prendre la chose dans laquelle on a une garantie. Que c'est une hasana, yani 100%. لكن كما قال الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. Il va faire, il a juré par Allah qu'il va détourner le plus de monde possible. Et ça passe par le fait de nous détourner de al-mustahab, des choses qui sont aimées auprès d'Allah Azza wa Jalla. S'il n'arrive pas à nous faire tomber dans les péchés, il va faire tous ses efforts pour pouvoir nous écarter du bien. نعم. قال ينتهي الأذان وأنت ما اتبعت ولا صليت ولا دعوت. L'adhan est fini et tu n'as ni répété ce qu'a dit le muadhin, tu n'as ni prié sur le prophète alayhi salatu wasalam, mais tu n'as ni demandé à Allah azza wa jal pour lui la wasila wal fadila. قال حتى تقام الصلاة وأنت مشغول ما هذا الشغل. Et anta, tu es occupé et il dit t'es مشغول et comment as-tu pu te faire avoir comme cela? قال فلننتبه لأنفسنا, qu'on fasse attention à nous-mêmes. وَلْنَتَعَرَّلْ لِهَذِي الْأَسْبَابِ, et qu'on prenne, on se présente à ces asbabs qui sont sahl, ces causes qui sont sahl, afin que on ait le jannah, afin que Allah Azza wa Jal nous pardonne et qu'il nous autorise et qu'on puisse acquérir la shafa'a. نعم. قال لهذه الأسباب أسباب الشفاعة. Donc on retrouve cette parole-là qui est magnifique dans la page, entre la page 54 et la page 55 de l'explication des conditions de la ilaha illallah de l'imam Muhammad Imam al-Jami. Enfin, on se doit d'être attentif. On se doit d'être attentif et de ne pas être étourdi à cette cause-là qui est énorme. Jiddan, jiddan, jiddan. Toute personne veut le Jannah. Toute personne veut que ses péchés soient pardonnés. Toute personne souhaite avoir cette option-là de côté al-shafa'a. On ne sait pas comment on va mourir. L'insan ne sait pas comment on va mourir. Enfin, alayna d'être attentif. Et ça passe par le fait de répéter ces choses-là qui sont sahles. Qala rahimahullah. قال باب ما يقول بعد تكبيرة الإحرام. Que doit dire le المسلم après avoir fait تكبيرة الإحرام. يعني avant d'évoquer ce qu'il doit dire après تكبيرة الإحرام, on se doit de savoir يعني qu'est-ce que تكبيرة الإحرام أولا. Et c'est beaucoup plus important que le dhikr qui va venir derrière. Parce que sans ce takbir là, ta salat elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée. Ça fait partie de كذلك des askar. Il aurait dû normalement, Wallahu a'lam, l'évoquer. Parce que ça fait partie des askars qui sont importantes. Relatifs à la prière. Qui est ismatu amrina. Qui est la chose par laquelle on se cramponne. Fa sighatu takbirati l'ihram, elle est ma'rufa. C'est le fait de dire Allahu Akbar. Le fait de dire Allahu Akbar. Wa'ala sahih, la yudzi ghayruhu. D'autres parmi les termes ne sont pas acceptés. Allah wa qul jumhur, bi khilaf, aux différents de la parole de Abu Hanifa et de ses compagnons. Ils ont dit yajouz qu'on fasse un takbir bi kulli ismin min asma'illahi azza wa jalla tatadullu ala at-ta'zim, qu'il est légiféré d'évoquer comme takbirat al-ihram tout terme qui comporte la notion du ta'zim. Enfin, pour Abu Hanifa et autres, ils voient que c'est légiféré de dire mathalan lorsque tu fais le takbir al-ihram taqul Allahu azim, Allahu azim, Allahu jalil, Allahu kabir. Fa'indahum que tu dises Allahu akbar ou bien Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allahu Azim, pour eux c'est sawa. Parce qu'ils ont dit, le prophète il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, idha qumta ila salah, li musi a salah, celui qui ne savait pas bien prier. Ensuite il lui a indiqué comment prier. Et avant cela il a dit, lorsque tu te lèves, viens pour prier, faqal asbir al wudu, accomplis correctement le wudu, thumma staqbal al qibla, ensuite positionne-toi en face de la qibla, fakabbir, et ensuite fais le takbir. Donc là, ils ont dit, là, le takbir, c'est le fait de prononcer tous les termes qui comportent la notion du ta'zim. Et non pas le fait de dire juste Allahu Akbar. Ça, c'est un istidlal qui est pas sahih. Parce qu'ils ont pris un hadith, ils ont délaissé d'un norme, il y en a d'autres hadiths dans lesquels le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué clairement qu'il faut dire Allahu Akbar. Comme le hadith qui est rapporté par Al-Imam At-Tabarani, rahimahullahu ta'ala, fil kabir. Le numéro 4526, et il est authentifié par Cheikh Ibn Hizam. Anna Nabiya, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, innahu la tatim salatun li ahadim min al-nas. La prière de l'un d'entre vous ne sera accomplie, hatta yatawadda, jusqu'à ce qu'il aura accompli le wudu, fa yusbiru le wudu, et il accomplit correctement le wudu, ou plutôt fa yadaha le wudu mawadi'a, yani il accomplit correctement le wudu, on peut traduire comme ça aussi, thumma yaqul Allahu Akbar. Donc là, il dit, la prière de l'un d'entre vous ne sera acceptée que lorsque cette personne-là aura accompli correctement le wudu et ensuite il aura dit Allahu Akbar. Donc ce hadith-là, il est clair, il nous montre que celui qui ne dit pas Allahu Akbar, sa prière ne sera pas considérée. La tatim, elle ne sera pas acceptée. Donc ça nous montre qu'on doit dire Allahu Akbar. Kazaïk al-hadith al-akhar, kana rasulullah wa kana, ça montre yani une habitude. Kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha ftataha as-salah, lorsqu'il ouvrait la prière, istaqbala al-qibla, il se mettait en face de la prière de la qibla, wa rafa'a yadayhi, وقال الله أكبر. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Fait ça, c'est l'avis qui est quoi? Le plus juste. On ne peut pas dire autre chose que Allahu Akbar. Celui qui dit autre chose, Allahu Azim, Allahu Jalil, salatuhu batila. Ala sahih min aqwal al-ulama, et c'est la parole du Jumhur. Parce qu'il y a de tous les hadiths qui sont rapportés sur cela, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas évoqué une autre chose. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم يلا بخير يعني énormément de prières. والصحابة يعني ils étaient derrière النبي فكانوا يسمعون التكبير. Et personne d'entre eux a dit que une fois il a modifié les termes de تكبير الإحرام. Il a dit الله جليل إلى آخره. Personne d'entre eux n'a évoqué cela. Ça nous montre que son habitude était instaurée sur le fait de dire الله أكبر et pas un terme autre que cela. Celui qui dit autre qu'Allahu Akbar lorsqu'il fait takbir al-ihram, sa prière elle est batila. Certains ont dit, il y a juste que tu dises ar-Rahman ou Akbar. Yani tu répètes, tu dois dire Akbar à la fin, mais tu peux changer le nom Allah par un autre de ses noms. Ar-Rahman ou Akbar, Ar-Rahim ou Akbar, Al-Wadud ou Akbar, Ar-Rabb ou Akbar. Fahada kadalika, c'est un qu'est batil par rapport au hadith précédent, que la prière n'est acceptée que si jamais on dit Allahu Akbar. Tamam. والإمام الشافعي كذلك lui dit que si jamais on dit مثلا الله الأكبر يعني si on met الأل sur أكبر يعني يجوز في الرواية dans une version لكن الصحيح كذلك on doit ni dire الرحمن أكبر et on doit ni dire الله الأكبر لكن on dit الله أكبر بدون أل هذا هو صحيح نعم ما هو حكم تكبيرة الإحرام quel est le jugement de prononcer تكبيرة الإحرام comme on a pu le voir إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. دون الحديث الآخر تحريمها التكبير. La sacralisation de la prière c'est le takbir. Et à partir du moment où on dit Allahu Akbar, on rentre en état de sacralisation, c'est-à-dire que des choses nous sont interdites. On n'a pas le droit de discuter, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de gesticuler يعني énormément et l'akhari. قال وتحريمها التسليم. Et on sort de cet état de sacralisation, de cet état de prière en évoquant le taslim. Donc ça nous montre que c'est une obligation. Même on dira c'est un rukn, c'est un pilier parmi les piliers de la prière. Certains ont dit c'est une condition, laquelle la condition c'est matalan comme le wudu. Comme c'est une chose qui est obligatoire, lakin qui ne fait pas partie intégrale de la prière. La prière c'est une chose, et le wudu c'est une chose. Ça on appelle une condition. Parce que le wudu ne fait pas partie intégrale de quoi? De intégrale de la prière. Amma, les choses qui sont obligatoires, et si jamais on ne les ramène pas, ça va invalider la ibada, ça on appelle un rukn, on appelle ça un pilier. C'est une obligation qui, si jamais elle n'est pas ramenée, va rendre caduque cette adoration-là, et elle fait partie intégrante de l'adoration. Ça on appelle ça un rukn. Et certains ont dit, c'est une sunnah sahih, c'est que c'est un rukn. Celui qui ne ramène pas, « At-takbirat al-haram », sa prière, allez batila. « Kazalik amel al-masail », est-ce qu'on a le droit de répéter, d'évoquer التكبير par une autre langue que la langue arabe. ففي الحقيقة هذا يعني certains des علماء comme Ibn Qudama رحمه الله تعالى il a dit que toute personne qui est dans la capacité de dire Allahu Akbar et il le dit dans sa langue مثلا il dit Dieu est grand, il dit sa prière elle est batila. Sa prière elle est batila. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité, la capacité de dire Allahu Akbar. وفي الحقيقة toute personne, même si jamais la personne ne connaît pas la langue arabe, Il est capable de dire Allahu Akbar. C'est très simple. Même les kuffar, yani les ennemis d'Allah, les journalistes, lorsque yani combattent même hatta al-an Allahu Akbar. Yani si jamais ils entendent quelqu'un yani dans la rue dire Allahu Akbar, donc ils le répètent bien dans les journaux, on a entendu une personne dire Allahu Akbar, et ben il aura telle et telle sanction et l'akhiri. Enfin, même les kuffar et a'da'ullah, ils arrivent à dire Allahu Akbar. Donc que dire de celui qui a un cœur qui veut l'islam? Toute personne yani qui a à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la possibilité de parler, c'est dire Allahu Akbar. Même si jamais il ne sait pas prononcer, même s'il ne connaît pas l'arabe. Enfin, on ne peut pas dire Allahu Akbar par une langue qui est autre que l'arabe. Naham. كذلك من المسائل الجهر بالتكبيرة. Le fait d'élever la voix. Est-ce qu'on doit élever la voix lorsqu'on fait takbirat al-ihram, comme on a pu voir dans le début de ce cours-là, que parmi les conditions dans la dua et كذلك dans le zikr, c'est que ce soit fait à voix basse. كما قال سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول évoque le nom d'Allah, évoque ton Seigneur de ton fort intérieur et sans élever la voix, تضرعا c'est-à-dire avec humilité, وخفية discrétion, avec discrétion, دون الجهر sans élever la voix, Comme donc, la yajouz kadaïka al-hadith, et nakum la tadouna asam. Vous n'êtes pas en train de, d'implorer une personne qui asam, qui n'entend pas, ou bien qui est absent. Et nakum tadouna samihan qariban. Vous êtes en train d'implorer Allah Azza wa Jal qui est proche et qui est audient. Kadaïka la parole de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui a dit, j'ai pu rencontrer, yani parmi les tabi'in et certains de sahaba, qui lorsqu'ils avaient la possibilité de œuvrer en discrétion, ils ne le faisaient pas, ouvertement. Et il dit, yani les musulmans, auparavant, lorsqu'ils imploraient Allah subhanahu wa ta'ala, ils le faisaient discrètement. Donc c'était un chuchotement qu'il y avait entre Allah subhanahu wa ta'ala et eux. Donc ils n'élevaient pas la main, ils n'élevaient pas la voix. C'est une chose qui n'était pas connue. Donc le takbirat al-ihram, la yajuz. للمنفرد pour celui qui prie pour lui-même وكذلك للمأموم المأموم والمنفرد il doit pas dire Allahu Akbar d'une voix qui est qui s'entend لكن يكون ذلك نعم il à partir du moment qu'il s'entend lui-même كفى بذلك نعم إلا إذا كان مسمع si jamais مثلا يعني le micro on n'entend plus là, la voix de l'imam et l'imam il a une voix qui est assez basse et il y a du monde dans la mosquée elle est assez grande. Donc là, naham yata'awun al birr wa taqwa, il y en a ceux qui sont derrière l'imam, ils répètent Allahu Akbar afin que ceux qui sont derrière eux, ils puissent entendre, naham. Amma si jamais il n'y a pas lieu de cela, il n'a pas à élever la voix. Le hadith, il est rapporté par Muslim, sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, wa Abu Bakr khalfahu fa idha kabbara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kabbara Abu Bakr yusmi'na. Ça c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était malade, il était un peu affaibli, il ne pouvait pas élever la voix comme c'était le cas auparavant. Fa Abu Bakr il transmettait le takbir du prophète alayhi salatu wasalam afin qu'ils entendent et qu'ils puissent le suivre. Là, on va être obligé de couper court parce que là il y a une forte pluie. Donc du coup, je sais pas si ça va être audible. Donc inchallah tabarak wa ta'ala, on laisse les autres sujets pour une prochaine fois parce que là la pluie elle est assez forte. Wa afwan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.